Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Podmodernisme, la 21e édition première de 2006. Ouh là là! Oui, bonjour, mesdames et messieurs, je m'appelle toujours André Péloquin. Bonjour et bienvenue en 2006 et à Podmodernisme, la 21e édition. Désolé, j'ai pris quelques semaines de congé, les fêtes obligent et le fait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de lancements et de nouveaux albums sur la scène locale. Et il y en a toujours pas encore, mais février promet d'être un mois d'enfer, infernal, incroyable, oulala, plein de qualificatifs. Alors, pour célébrer 2006 et me faire pardonner de ne pas avoir donné signe de vie depuis les quelques dernières semaines, eh bien, j'ai préparé une édition plutôt extra bacon, sauce, fromage, de Podmodernisme. Il va y avoir beaucoup plus de musique qu'à l'habitude. On va d'ailleurs débuter dès maintenant avec trois pièces. On va débuter avec trois pièces, oui. Extraites de la compilation Montreal Noise du magazine Nightlife. On va entendre les pièces Montréal de Caffeine, Pink Money des Hot Springs et Speed of Light de Pony Up. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'écrire à podmodernisme@gmail.com ou encore passer par le site web du podcast. C'est le podmodernisme.blogspot.com. On débute dès maintenant avec Caffeine sur Pod Modernisme. Yes, de retour à Podmodernisme, la balado-diffusion qui essaye de se spécialiser dans tout ce qui est alternatif sur la scène musicale québécoise. On vient de commencer cette balado-diffusion avec trois pièces tirées de la compilation Montreal Noise du magazine Nightlife. On a terminé avec Pony Up, c'était la pièce Speed of Light, un peu avant les Hot Springs avec Pink Money, et on a débuté avec Montréal de Caféine. On va poursuivre maintenant avec du Daniel Grenier, du Navet Confit et Les Stills. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, comme toujours, podmodernisme.blogspot.com, podmodernisme@gmail.com. On débute avec Descendu du ciel du Chicken Swell, Daniel Grenier. Ouh là là! Descendu, j'ai fait tout ce chemin pour te trouver. Descendu du fin fond jusqu'au fin fond de tes pieds. Descendu du ciel pour te retrouver. Continue de t'aimer. Descendu du ciel pour te retrouver. Descendu, un voyage qui en vaut vraiment la peine. Descendu de toute la peine que j'ai eue de te voir monter. Descendu du ciel pour te retrouver. Continue de t'aimer. Descendu du ciel pour te retrouver. Oui, bonjour, vous écoutez toujours Pas de modernisme et on vient de finir avec les Stills. C'était Retour à Vega tiré de la trame sonore de l'exécrable film Wicker Park. Un peu avant, on avait Neve Confi avec Autumn, c'est un sample qui devrait se retrouver sur son prochain album. Et on a débuté avec un extrait du deuxième album de Daniel Grenier, c'était Descendu du ciel. L'album s'appelle Le chemin des étoiles. On va poursuivre avec des pièces un petit peu plus électro. On va avoir entre autres un remix de l'Attaque des chiens. On va aussi avoir Echo Kitty et du volume était au maximum. L'envie au creux de la nuit avec les poings qui serrent. J'ai reconnu l'ennemi qui redéclare la guerre. Seul ici, il n'y a rien à faire. Pour me sauver la vie, je me mets à la terre. C'est pas une crise de cœur, c'est juste un manque d'amour. Il n'y a pas pire que la peur, et tu me quittes un jour. Mon âme est dans le cloaque où elle se trouve toujours. C'est pas parce qu'on le mérite qu'on doit y avoir droit. Mon malheur qui gravite encore autour de moi. Tout le satellite a pris pour compter sur tes doigts. Un peu de dynamite pourrait arranger ça. Avec le je t'aime petite fille, je voudrais te donner des fleurs. Je serai toujours tout près de toi quand tu ris, je te serrerai fort quand tu pleures. Je te dirai que tu es toujours la plus belle et j'écouterai battre ton cœur. Tu es la plus belle et la plus gentille de toutes les filles de l'univers. Je pense à toi tous les jours et tous les jours je ne pense qu'à toi toutes les nuits. Je veux te chanter tout ce que tu désires pour t'endormir. Je veux t'aimer, je veux te donner un baiser. Je t'aime, petit enfant, petite fille, petit bébé. Je t'aime. Comment je t'aime petite fille, je voudrais te donner des fleurs. Je serai toujours tout près de toi quand tu ris, je te serrerai fort quand tu pleures. Je te dirai que tu es toujours la plus belle et j'écouterai battre ton cœur. Tu es la plus belle et la plus gentille des petites filles de l'univers. Je pense à toi tous les jours et tous les jours je ne rêve qu'à toi toutes les nuits. Je veux te chanter tout ce que tu désires pour t'endormir. Je veux t'aimer, je veux te donner un baiser. Je t'aime, petit enfant, petit ami, petit bébé. Je t'aime. J'ai envie de dire comment je t'aime, petite fille. Je voudrais te donner des fleurs. Je serai toujours tout près de toi quand tu ris. Je te serrerai fort quand tu pleures. Je te dirai que tu es toujours la plus belle et j'écouterai battre ton cœur. Tu es la plus belle et la plus gentille de toutes les filles de l'univers. Oh, vous écoutez toujours Pas de modernisme, la balado diffusion qui porte sur tout ce qui se fait de heavy metal au Nouveau-Brunswick. Je m'appelle André Péloquin et on vient de terminer avec le volume était au maximum. C'était Petite fille, je t'aime, tiré de leur album Radio Maximum. Un peu avant, il y avait Echo Kitty avec Infirmière chinoise, tiré de leur album Savon chanté. Et on a terminé avec un remix de la pièce L'attaque, tiré du site web des chiens. Alors, si vous voulez la voir pour vous, et la mettre sur votre iPod et avoir l'air cool juste à côté de votre pod modernisme de cette semaine, et bien allez sur le site des chiens pour la télécharger. Si vous voulez avoir le lien pour le site des chiens, ben passez par mon site. Haha, c'est podmodernisme.blogspot.com. On va poursuivre avec un peu de hip-hop. On va débuter avec Deuxième Monde et les Bootleggers, ça va être la pièce My Way. Ensuite, on va y aller avec toute une collaboration. C'est un peu comme si Bryan Adams, Sting et Rod Stewart se réunissaient pour faire une chanson d'amour, mais cette fois-ci, c'est une chanson de hip-hop. C'est Omicron, Justin Poirier et TTC avec la pièce Pour te réchauffer. C'est tiré du prochain EP de Omicron. Et on va poursuivre avec Acrophone, ça va être la pièce Vivre, tirée de l'album Du haut du balcon. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, mon courriel, c'est le podmodernisme podmodernisme@gmail.com. On débute dès maintenant avec My Way, le deuxième monde et les bootleggers sur Podmodernisme. La vie c'est un road trip, j'crache mes trips sur un riff de guide. Cave la croche, laisse les traces, t'as la outcast. À fond la caisse, explose, prends ta place. C'est à fond la caisse, sinon on est de ta race. Fuck this way, baby baby. Let it loose, let's rock, le loup du loyer. J'ai un banquier, peu lui, c'est qui me répète de rap et d'avis. Rappelle pas pour dire, ben j'étais trop trashy. Rockstar, bebop, comme Dennis Rodman. J'block le rebound, comme j't'avocat Kobe Bryant. So lâche mon corps, non, non, changerai pas. J'tends pour tous encore, ben j'te changera pas, non. Des gmarques qui marquent, les dreads, le rootlock. Fait pour des Doc Martens, fait des t-shirts, des Mighty Ducks. C'est all love, all good, all aboard. Direction Hollywood, le monde est plus fake que la télé-réalité. J'espère que Dieu t'aide pour moi pouvoir écouter. C'est des productions qui vous disent, mets ton masque, on va se déguiser. La simple vérité, c'est que plus de sincérité. Chaturé de censurer les scènes de mon identité. Balance la sauce, même si les publics sont trop salés. Eux-mêmes, ils se travestissent comme des travaux. Change de travis, on stiff, t'es trop stressé. Zigzag, zigzag, pif, frappe le pavé. Stairway to heaven, the highway to hell. C'est ton corps choisi, silicone ou les ailes. Cuir ou dentelle, ciel ou heartbreak hotel. Même si tout le monde sait que ça va être plat au ciel. Y'a du rock, c'est mon CD, j'fais du ACD. Si j'suis Lenny Bradd, et tu les ladies, le plus d'R&B. J'pisse le reste de l'industrie. T'as fait de la boue sur mes shoes, tu penses, c'est grippy. Avec juste un poids poignets sautent en l'air pour te réchauffer. Omicron, TTC sautent en l'air pour te réchauffer. Bière, poutine, chandail en polaire pour te réchauffer. Bouteille de la Bad Blue, bien pack de gros. Tu dis une blague de trop et on te casse le dos. Dans les clubs de strip et dans les boîtes de beauf, on pack le show. Bounce le gros, yo. On échange ta femme contre quelques grammes de coke. Elle est pas très belle mais disons qu'elle est pas mal de dos. Et ses seins ressemblent à de gros citrons. Tu ne crois pas, demande à Ghislain ou à Omicron. Je m'amène pour des filles deviennent des chiennes. Les autres, moi, ceux des lesbiennes. Elles adorent tous le goût de ma crème. Tellement bling bling à chaque jour. Je magasine, on me gromme DLC, tu comprends plus rien. On me gromme DLC, il te reste plus rien. Bounce, bounce, bouillish. Faites-moi devenir riche. Dieu me dit de prendre sa place. J'ai plus besoin de tirer ma chasse. Tellement plaisant la vie de Gabo. Celui de Jess aime mon corpo. Tu peux m'en montrer plus. Mais moi, je te sens ce que tu sais. L'air du Canada me plaît. C'est un paradis frais. T'es essayé en place. Toujours plus efficace. Tu sais combien ça craque, ou c'est qui est le Mac Doberman. Une ville où les filles belles me draguent, elles chantent mes paroles et m'étonnent. À Montréal, pour que tu bounces ma grosse et que tu casses la croûte. À Montréal, au 17ème étage de ma tour, on fait des connaissances, on est de retour, ville star. Si t'es un vrai Montréalais, saute en l'air pour te réchauffer. Avec juste un poignet, saute en l'air pour te réchauffer. Omicron, TTC, saute en l'air pour te réchauffer. Bière, poutine, chandail en polaire pour te réchauffer. Si t'es un vrai Montréalais, saute en l'air pour te réchauffer. Avec juste un poignet, saute en l'air pour te réchauffer. Omicron, TTC, saute en l'air pour te réchauffer. Bière, poutine, chandail en polaire pour te réchauffer. Thank you. c'est toujours pas de modernisme en ma compagnie, André Péloquin. Et on vient de terminer avec Acrophone, c'était la pièce Vivre tirée de leur album Du haut du balcon. Un peu avant, on avait Omicron, Justin Poirier et TTC. C'était la pièce Pour te réchauffer, je vous le rappelle, ça va sortir sur le prochain EP de Omicron qui devrait être disponible dès le début février. Un peu avant, on a débuté ce bloc hip-hop avec Deuxième Monde et les Bootleggers. C'était My Way tiré de leur album J'aurais voulu être MC. On va poursuivre avec des petites tristounettes acoustiques, plus ou moins, avec du Carl-Éric Hudon. On va aussi avoir du High Dials et du Avec Podcast. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, plectrumcism@gmail.com. Il y a aussi mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. On débute maintenant avec Savoir retenir ses larmes de Carl-Éric Hudon. Savoir retenir ses larmes pour le moment opportun. Ça va être une arme de choix. Est apparu là, l'arme à l'œil armée de feuilles, une pour toi, une pour moi, et plus qu'on se fasse mal. Mais en automne, nos feuilles sont tombées avec les pommes aussi. Et depuis, c'est la guerre, six mois, je tiens le revolver, toi tu tiens le début. La fin d'un univers s'affronte, une tache de rouge sur le drap blanc vivant. Oh. Gone so long, that can be, let it be. He had no roots in the ground, just his boots wet and brown with the mud of this old place. Singing mad songs at the sun to a little boy's drum, hear it beats in his heart. Oh, hear how the words leave his lips, they dissolve there like mist pulled apart in the wind. Tears welled up true in his eyes, though he was not surprised when the time came to go. No, send him your love if you wish, 'cause you know it is missed. He cries out in the night. Oh, beats in my heart do the trick, as when you were the stick and my soul was the skin. Beats in my heart do the trick, like when you were the stick and my soul was the skin. Darling, my soul aches for that love to strike, so I can return and stay there as long as I like. Souvenir d'astronaute, une comète dans l'entrée. On est spectaculaire quand on dort en cuillère dans des draps de Morphée. Faites de ménage, trop bu, trop sérieux dans mes niaiseries. Quand on n'aura plus rien à se dire, on se comptera des mentries. T'avais raison, maintenant je sais. C'est pour la vie qui est plate, c'est moins. Nos Diaz, tout le monde, vous écoutez toujours Pod Modernisme, la balado-diffusion qui tente de se spécialiser dans ce qui se fait d'alternatif au Québec, que ce soit en français, en anglais, que ce soit punk, ska, country, tout, sauf de la motadine de Polka. Je m'appelle André Ploquin, je vous le rappelle, et on vient de terminer avec des pièces acoustico-tristounettes. On a terminé avec Pat Cass, c'était la pièce Fantôme, tirée de leur album éponyme un peu avant. On avait les Isle Dials avec la pièce de Drum, tirée de leur album War of the Awakening Phantoms. Et on a débuté avec Carl Eric Hudon, c'était la pièce Savoir retenir ses larmes, tirée de son album Les Tempêtes que l'on avale. C'est déjà ma dernière intervention pour cette semaine, je vous retrouverai la semaine prochaine, bien sûr, avec, je l'espère, encore plus de nouveautés. Mais en attendant, je vais vous laisser avec des pièces plutôt spéciales, si vous voulez. On va d'abord débuter avec le groupe Noise de Montréal, AIDS Wolf. Alors, si vous aimez ça quand ça crie, vous allez être servi. Et on va terminer ensuite avec quelque chose de très très doux. C'est le groupe post-rock jazzy, yeah yeah yeah, Power Up First. Ça va être la pièce Introducing New Details et c'est très joli. C'est André Péloquin qui vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, une dernière fois, podmodernisme.blogspot.com, podmodernisme@gmail.com. Salut tout le monde!